Lyon débarque, accompagné de l'Hermo. Sur ce son pas d'arnaque, on va envoyer du gros. On est toujours là depuis tout ce temps, rien nous arrête. Décidément notre progrès est sidérant. Si t'écoutes, tu deviens adhérent. Vos critiques font aller de l'avant, on n'hésite plus dorénavant. Ça te dépite et c'est navrant, moi je débite et c'est frustrant. On va surtout pas ralentir notre ascension vers le sommet. On est partant pour tout gravir, rien nous arrête désormais. Grâce à cette vie que qui t'attire, tu es complètement désarmé. Avec nos rimes en guise de tir, on est la meilleure des armées. À fleur de mots, deuxième album de Liamo. Avec Julien et Toninho, Minozant et Tocarnasco. On a avancé jusque là et on s'arrêtera pas de chito. Toujours OP, toujours d'attaque, toujours de la rime sur micro. On est là, on vient du 5-3, quoi qu'il advienne tous les trois. On restera la familia, todos juntos por la vida. On est là, qu'est-ce tu crois? On est là, familia Saint-Enfant. On est là, 3 ans après, la familia n'a pas bougé. Là c'est Guillermo et Julian, c'est pas demain que ça va changer. Tous nos sons sont arrangés, les vieux dossiers sont bien rangés. Toujours là à leur danger, le 5-3 c'est le QG. Bonsoir Rennes ou à Angers, t'inquiète pas c'est pas bien grave. Quand il faut poser un son, nous on sait bien s'arranger. Et au fait, t'en as pas de style précis. L'important c'est que tu kiffes ce qu'on dit dans nos récits. Depuis le début, on a fait beaucoup de sons. Maintenant je les compte plus, on fait de la zik à notre façon. Je ne sais pas si t'avais vu, beaucoup de gens se sont joints à la partie, beaucoup de gens ont même bougé en écoutant grâce aux parties. Aux gens du H-Tassien prêt, voici la nouvelle devise. Quoi qu'il se passe, nous on se tient prêt, même si on sait pas ce que l'on vise. Grâce aux 53, notre blague vous fait marrer. Dites-vous bien que tous les trois on est unis et que c'est pas prêt de s'arrêter. On est là, qu'est-ce tu crois? On est là, familia Saint. Qu'est-ce tu crois? On est là, familia Saint.